J'suis crié, crié, crié, crié. J'fais des billets, billets, billets, billets. Plaque plié, plié, plié, plié. J'me dois de crier, crier, crier, crier. Les flics nous fouillent, on sait pas si faire. Nos fils nous lèvent le matin à 6h. J'dévale ma vie, les secrets de mon cœur. Poto, désolé si des fois j'suis bizarre. Les soucis tentent. Tu t'es gantes à venir faire du le doigt sur la détente. Chez ta tante, ouais, j'vois ça. Ça dépend de qui tu fréquentes. Besoin d'un gros fait ou d'un pack. D'un gros tête ou d'un sac. Parce que j'vis, poto, j'frite l'infractus. Mon cœur flic, c'est devenu un cactus. Tu m'parles plus pour une folle, poto, t'as coulé. Tu dis, t'as pas de shit, tu te vois que rouler. Tu te mets à dos des gens, tu fais que les trouer. J'suis bien que dans mes rêves, j'vois la réalité dès que j'me lève. Quand j'vois les gens se manger, j'ai bien envie de faire une trêve. C'est un braco donc tes bras lèvent. Ça porte l'œil, prends leurs yeux crèvelés. Ça tourbille, c'est pas grave la roue non. Dis-leur comme tu les aimes, sinon on laisse. J'suis crié, crié, crié, crié. Crié là c'est trop. J'fais des billets, billets, billets, billets. Sortir de mon ghetto. Plaque pliée, pliée, pliée, pliée. Ensuite dans nos bétos. J'me dois de crier, crier, crier, crier. T'as resserré les taux. J'suis crié, crié, crié, crié. Crié là c'est trop. J'fais des billets, billets, billets, billets. Sortir de mon ghetto. Plaque pliée, pliée, pliée, pliée. Ensuite dans nos bétos. J'me dois de crier, crier, crier, crier. T'as resserré les taux. Évite un bim, me casse pas les couilles. J'ai une famille, des potes sous écoute. J'suis écœuré maintenant, tu sais tout. Tu fais le mec en chaîne, tu te caches pour chez tout. Tu m'as rien dit, mais moi je sais tout. Viens me voir, pose-toi, je t'écoute. N'oublie pas qui c'est qui était là quand t'as failli te prendre des coups. Fais pas le fou, t'as sniffé. Fais pas le mec, t'as kiffé. T'as trop de problèmes dans ta tête. Tu sais même plus ce que tu fais. Pour ce qu'ils se battent même avec la telle. C'est pour moi que t'as et Adèle. Tu fais trop le mec qui oublie. Tous les jours la vie te fait des rappels. Et moi je suis comme toi, je résiste. Les plus haut placés savent même pas que j'existe. J'hésite, je calme mes nerfs avec un peu de résine. Crier, crier, crier, crier, crier là c'est trop. J'fais des billets, billets, billets, billets. Sortir de mon ghetto. Plaque pliée, pliée, pliée, pliée. Ensuite dans nos bétos. J'me dois de crier, crier, crier, crier. Mais t'as resserré les taux. J'suis crié, crié, crié, crié. Crier là c'est trop. J'fais des billets, billets, billets, billets. Sortir de mon ghetto. Plaque pliée, pliée, pliée, pliée. Ensuite dans nos bétos. J'me dois